Esci, ci siamo di sentire, si può sentire. Cendrillon, c'est 20 ans. Et la pêcherie. Faut que je te mette une batterie là. Cendrillon, c'est 20 ans. La plus jolie des enfants. Il faut que je fasse quoi déjà? Je me rappelle plus. Je me mets à 75. Oh, je me rappelle plus comment on faisait. Je suis cassé. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse déjà? Déjà, c'est trop fort. Attends. Cendrillon pour ses 20 ans. Ça repart hein. attends, alors. Ah merde, vous pouvez y rechercher alors. Je me réveille dans un transe où la lyrique se mouvement. Allez, baby. Yeah. Arrête de